Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures. Wonderful.

Thank you. We'll be right back. the head is turning round. Yes, you are! Yes, you are! Thank you.